Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une terrible vengeance. Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une mère devenue veuve trop tôt. L'un d'eux s'était éloigné de la famille. Lorsqu'il réapparaît, poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, vont trouver l'énergie de se défendre et le moyen de venger la mémoire de leur père assassiné. Et toi, Joe ? Un petit écart, là, de temps en temps, derrière le comptoir de la pharmacie ? Ah non, ça va pas. Moi, c'est Karine, point. Je suis pas un obsédé, là. Non, c'est pas un obsédé, non. À 12 ans, il voulait être gynécologue, mais non, c'est un obsédé. Vous êtes trop grand maintenant. Allez-vous m'étouffer. Ta mère, elle vous a bien élevé. Elle peut être fière. Sur une portée de 5, tout le monde sait qu'il y en a toujours un ou deux un peu moins bien réussi. Eh, ouais, c'est ça. Avec tes frères, je vous regarde. Vous êtes comme les 5 doigts de la main. 4, il en manque un. Qu'est-ce qui se passe ? C'est David. On le cherche. Qui ça ? Mes associés. Je sais qu'il est venu ici, qui t'a amené de l'argent. Et cet argent, c'était mon pognon. T'as bien choisi ton jour pour revenir, toi. Je suis pas choisi. C'est un cauchemar, ce frère. Oh ! Tu vas t'arrêter avec lui ? Ça va durer toute votre vie, cette putain d'histoire ? Je suis pas le fils que tu voulais que je sois. Je veux rien entendre. C'est tes histoires, c'est tes conneries. Ils ont enlevé Julien. Cette fois-ci, il faut prévenir la police. T'appelles personne, t'as compris ? Comme les 5 doigts de la main, avec Patrick Bruel et Pascal Elbé, un très bon film d'Alexandre Arcadie, un DVD universal.